franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Ich will Macon, ich werde haben Macon. Philippe, qu'est-ce qui te prend ? Je veux Macon, j'aurai Macon. Eh bien, Marga, je répète tout bonnement ce que devaient se dire les Autrichiens en 1814, quand la ville fut envahie par leur armée, puis libérée deux fois par les troupes françaises avant d'être définitivement occupée jusqu'à la chute de l'Empire. Mais figure-toi que ich will vraiment Macon et ich werde haben vraiment Macon, puisque après le retour de Napoléon et les 100 jours, Macon et le Mâconnais furent à nouveau pris par les Autrichiens. Oh, bah dis donc. Mais ça, c'est le propre de l'Autrichien. De la suite dans les idées. Alors Sylvie, de la suite dans les idées, quel temps fait-il en Autriche? Ah non, je viens de Macon. Bonjour docteur, bonjour Philippe. Margaret. Bonjour Sylvie. Alors, qu'est-ce qui vous amène à notre antenne? Le corps ou l'esprit? Eh bien, c'est le corps. Alors, je vous écoute. Voilà, c'est par rapport à mes verrues plantaires. D'accord, alors Margaret plutôt. Ben non, pourquoi moi? Parce que t'en as eu. Ah, oui, j'en ai eu, mais j'en ai... Non, ce qui m'embête là aujourd'hui plutôt, c'est mon oignon. Ah, j'en ai un aussi, c'est terrible, hein, ça fait très mal. Hein. Ah oui, très. Ah oui, du coup, là, fini les talons pour moi, c'est chol, chol, chol. Mephisto, Crocs, Birkenstock. Pardon ? C'est pour le CSA, c'est pour éviter la publicité clandestine, voilà. Bon allez, Philippe, s'il te plaît, c'est toi le spécialiste, vas-y. Allez. D'accord, alors, ces vilaines verrues plantaires, elles se situent où ? Alors, sous les orteils, en fait. D'accord, donc au pied. Bah oui. Bah oui, c'était pas évident. Bah je vous ai dit verrues plantaires. Oui, c'est pour ça que je pouvais pas deviner. Alors, ces verrues plantaires qui se situent chez vous au niveau des pieds vous embêtent parce que... Bah, on me les a retirées à l'azote. Là, mais attends, ça brûle l'azote, ah, attention. Bah oui. Oui, oui, c'est fait pour ça. D'accord. La cortisone, non. Pour une verrue? Oui. Non. Je crois pas, non. Bon, ben non, alors. Alors, si ça marche, l'azote, où est votre problème? Ben, ça repousse, j'en ai toujours des nouvelles et je voudrais savoir s'il y a un moyen de s'en débarrasser définitivement. Alors, moi, j'en ai eu adolescente, hein, qui revenait tout le temps jusqu'à se regrouper. C'est bien ça, on aurait dit un sixième orteil, sans ongles et rugueux et tout marron. Alors, maman, qui est radicale avec tout ce qui est maladie, a entouré l'excroissance d'un petit fil à beurre très solide. Elle a attaché l'autre extrémité à la poignée de la porte et quand mon papa est rentré du travail et qu'il a ouvert la porte, tac! Bah, j'ai dansé, hein, mais adieu les verrues et merci maman. Oui. Non, je voulais savoir s'il y avait d'autres méthodes et surtout si c'est très contagieux, parce que la personne avec qui je vis n'en a pas, mais on fait tout le temps attention, mais j'en ai marre de dormir avec des chaussettes. Vous n'êtes pas mariée? Ah non, on ne peut pas. Oh, bah, c'est quand même pas des petites verrues de rien du tout qui vont vous empêcher de vous marier, enfin. Oui, surtout que ce n'est pas contagieux. Alors, vous embêtez pas, hein, vous pouvez tout à fait vous réchauffer les petons contre ceux de votre concubin. Cubine. Cubine. Bine. Allô? Est-ce que vous êtes de la jaquette, madame? C'est quoi ce langage vieillot et homophobe, hein? Bon, en plus, c'est une expression pour les hommes. Hein? Oui, mais c'est un petit peu pareil quand même. Non? Non, non, Margaret, alors là, pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec toi. En effet, deux femmes entre elles, c'est quand même une situation plus naturelle et moins violente et traumatique que deux hommes entre eux. Hein? Une relation entre deux femmes, c'est plutôt joli à regarder. Il s'agit souvent de simples caresses et de doux baisers sensuels et respectueux. Oui, c'est vrai que c'est plus comme deux super bonnes copines, en fait. Ah non, non, on n'est pas copines, hein. On est amoureuses et on a une vraie sexualité. Hein. Oui, faites de câlins, de douceur et de respect. Ce que je veux dire, c'est que contrairement à l'homosexualité masculine, deux femmes entre elles restent deux femmes. Comment ça? Ben oui. Quand c'est deux hommes, il y en a un des deux qui est bien obligé de faire la femme. Mais non, il reste des hommes et nous, on reste des femmes. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et puis quand on voit deux femmes qui ont décidé de vivre ensemble, eh bien, j'ai remarqué quand même qu'il y en a souvent une qui est un tout petit peu plus masculine. D'accord, et alors, ça ne fait pas d'elle un homme. Et même s'il y en a qui sont plus masculines, elles veulent être considérées comme des femmes. Oui, mais à ce moment-là, dans ce cas, il faut garder les cheveux longs et éviter les pantalons. Mais quoi, ces conneries? Il y a des femmes hétéros qui sont très masculines. Vous faites quoi comme occupation, Sylvie? Je suis chef. Hein. Chef, d'accord. Chef gendarme? Non, chef cuisinier. Cuisinière? Oui, enfin, je m'en fiche. C'est quand même un métier d'homme. Pourquoi? Qui fait à manger chez vous? C'est moi? Alors? Oui, mais... non, mais là, c'est différent, c'est la cuisine de tous les jours. Là, on parle du chef, c'est autre chose quand même. Ah, voilà, alors à la maison, c'est Bobonne qui fait la tambouine, mais quand c'est l'art culinaire, là, c'est monsieur. Bah, oui, mais c'est comme la couture, Sylvie. Toutes les femmes cousent, mais ce sont les hommes, les créateurs, qui dessinent les vêtements. Ouais, là, non, il n'est pas bon l'exemple, là, parce que souvent, les créateurs sont quasiment tous des invertis. Oui, t'as raison, mais donc là, c'est plutôt un métier de femme, en fait. Ouais. Arrêtez de stigmatiser comme ça les gens et les gens. D'accord, ne nous emportons pas. Madame, vu que de toute façon vous n'êtes pas très à cheval sur la féminité, si je puis dire, écoutez, gardez vos verrues, hein, ça ne devrait pas changer grand-chose. Bon. Dommage. En tout cas, si je donnais des poupées aux petits garçons et des camions aux petites filles à mon cabinet, je ne suis pas sûre que les parents apprécieraient. Sauf si, bien sûr, on a affaire à un couple homoparental, hein, puisque de nos jours, il faut tout pour faire un monde. Oula. Et Philippe, dépêche-toi, il faut que tu ailles faire les courses et étendre le linge. Bon, dis donc, c'est fini, oui. Ça va pas. Bon, en tout cas, pas de citation, puisque nos grands auteurs n'ont jamais été très inspirés par ce genre de thème qui, après tout, ne relève que de la vie privée. Voilà. Merci, monsieur Chouquet, d'avoir mis en onde cette émission. Coûte que coûte. C'est vrai. Au revoir, Margaret. Au revoir, Philippe. Merci. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.